Le rôle de Jochen Schmucki est joué par Vincent Cuchol, qui est francophone mais invite les Suisses allemands que parle le français. Il parle le français fédéral car il a un accent allemand assez fort. Il n'arrive pas à faire des phrases grammaticalement correctes. Un exemple est qu'il n'utilise jamais correctement la négation. Il oublie à chaque fois le ne. Voilà quelques exemples. Les sondeurs se sont pas vraiment trompés. Non, elle n'existe pas. Deschamps qui considérait jamais que. On remarque aussi qu'il n'est pas un français natif parce qu'il utilise un terme allemand, super, prononcé en allemand. Les phrases en général ne sont pas bien formulées. Par exemple, tout au début, je trouve vous êtes, au lieu de je trouve que vous êtes. On remarque aussi qu'il fait beaucoup de répétitions. Parfois, il utilise des anglicismes, par exemple en prononçant l'immigration en anglais. En outre, M. Schmucki a quelques recherches de mots dans son discours, comme dans l'exemple suivant. De ses enquêtes d'opinion que les programmes. La différence entre le langage de M. Schmucki et le langage surveillé du présentateur est très remarquable, même si le présentateur ne parle pas beaucoup. L'invité utilise aussi des expressions qui ne sont pas forcément appropriées dans une telle interview. Cela illustre son énoncé pour pas paraître pour une imbécile. À part de ça, on retrouve quelques énoncés collaboratifs.